Un peu trop simple pour toi. Qu'il y a dans les salons. Seb Breitjammer, double basse. Double basse. Grise. Je crois que c'est Michael Jackson. C'est ça ? C'est pas mal une version de Michael Jackson comme ça. Eh bien, c'est la fête, mes chers enfants. Et tout le monde sort sa biroute. C'est la fête. Oh, c'est la fête. Ah, c'est plus la fête, il faut les bosser, putain.